Chapitre 5. Deux modes d'acceptation. Tout le monde ne veut pas revenir en arrière. Effectivement, la majorité de nos concitoyens acceptent le mode de vie actuel, soit de manière implicite, parce qu'ils ne s'y opposent pas, soit parce que le système leur convient bien. Examinons d'abord la première catégorie, ceux qui sont dans une posture molle d'acceptation du système actuel. Tu connais l'adage qui ne dit mot consent. Eh bien, nous sommes souvent dans cette attitude. On est bien obligé de suivre le mouvement pour ne pas rester en rade. Mais c'est ce mouvement qui nous conduit dans le mur, avec l'explosion des inégalités, le dérèglement climatique, la perte de la biodiversité, l'écrasement des plus faibles, la consommation effrénée, la pollution de la planète, l'épuisement des ressources naturelles... Arrête ! Tu m'as déjà saoulé avec le tableau des catastrophes. Oui, mais la plupart d'entre nous ne croient pas ce qu'ils savent. Notre intelligence et nos connaissances nous permettent de comprendre qu'à ce rythme, on va dans le mur. Mais nous n'en tirons pas les conséquences, car cela demande beaucoup d'énergie pour ramer à contre-courant. Dans tous les groupes sociaux, il s'exerce une pression de conformité, un phénomène de mimétisme qui procure le sentiment d'appartenance, qui apporte une relative sécurité. Celui qui ne fait pas comme les autres risque de se sentir exclu. Il craint de ne plus faire partie du groupe. Oui, et nous n'aimons pas ça. Cela explique en grande partie le comportement moutonnier, le suivisme ambiant. Regarde par exemple ce qu'est la mode. Pourquoi être bien habillé signifie actuellement porter des vêtements sombres? On arrive même, sans s'en rendre compte, à intérioriser de fausses valeurs, sans se poser la question de leur futilité ou de leur inadaptation, comme ces femmes qui portent des talons aiguilles exagérés et martyrisent leurs pieds. Moi, j'aime bien porter des couleurs. Tu vas subir plus tard une pression pour revenir dans la norme, dans l'uniformité, pour ne pas te singulariser. Alors que dans d'autres cultures, la couleur est au contraire valorisée. Il en est de même pour beaucoup de choses. Prends l'exemple des voitures. C'est fait pour se déplacer. Que dirais-tu si je venais te chercher à la sortie du collège avec une vieille voiture, même si elle marche bien? Tu pourrais m'attendre un peu plus loin? Voilà, nous sommes très dépendants du regard des autres. Nous avons beaucoup de mal à assumer nos préférences, nos jugements. Donc, nous avons tendance à suivre le mouvement, à consommer comme les autres, à vivre, entre guillemets, comme tout le monde. C'est ce conformisme qui entretient le système, alors qu'en réfléchissant, on se rend compte de son absurdité. Comme celle de travailler beaucoup pour s'acheter une voiture qu'on utilisera surtout pour travailler. Il faut bien se faire plaisir de temps en temps. Oui, bien sûr, mais ça pose la question de qu'est-ce que c'est le plaisir? Celui d'accumuler des choses que la publicité nous fait envier? Et comme on n'arrivera jamais à tout avoir, on sera constamment frustré. Ou de faire ce qu'on a vraiment envie, s'offrir ce qui est nécessaire et profiter de la vie, des amis, de la famille, de la nature, du soleil, pour jouer, chanter, danser, contempler, lire, réfléchir. D'accord, je vois bien les inconvénients, mais on peut penser que le progrès a du bon. Nous l'avons déjà évoqué au début de notre discussion. Effectivement, beaucoup de ceux qui ont un logement, une bonne santé, un revenu assuré et des loisirs espèrent que ça va continuer comme ça pendant le reste de leur vie. Après moi, le déluge. Cette expression représente un impensé courant, même si une prise de conscience se fait jour timidement maintenant autour de la question « Quelle planète léguerons-nous à nos enfants ?» J'avais entendu le contraire. Quel enfant léguerons-nous à notre planète ? Bravo ! C'est en effet encore plus subtil de s'interroger sur les modèles de vie que nous transmettons. Est-ce que nous formons des super consommateurs ou des humains responsables de leurs frères et de la nature? C'est la question que nous posent par exemple certains peuples dits primitifs, effarés de voir notre manque de respect de la planète, notre indifférence au sort des plus faibles, notre fétichisme de l'argent. Bon, d'accord. J'ai bien compris. Si on ne réagit pas, on alimente le système à corps défendant, mais d'autres l'encouragent. Effectivement. Pour ceux qui en profitent le plus, ce n'est pas une molle acceptation, mais une adhésion franche, jouissive. Quand par un clic, un trader transfère des sommes faramineuses d'un compte sur un autre pour dégager un profit immédiat, alors qu'il ne fait que spéculer sans créer aucune richesse réelle, la promesse d'une prime conséquente le dispense de s'interroger sur les conséquences de son acte, alors que ça va ruiner des centaines de familles, voire un pays entier. Il ne fait que bien faire son travail et sera récompensé. Voilà le problème. Ne pas s'interroger sur la finalité de ses actes, ne pas voir par exemple que le système capitaliste ne repose plus sur le développement industriel, mais sur l'économie financière. Faire toujours plus d'argent devient la finalité, alors que ce n'était au départ qu'un moyen d'échange de ce que les hommes avaient besoin entre régions, entre continents. Et la division du travail spécialisant chacun est telle aujourd'hui qu'on a perdu le contact avec le sens de l'action. Chaque rouage anonyme fait bien son travail, la notion de performance évacue complètement l'impact externe des décisions. On dit ne pas voir plus loin que le bout de son nez. Oui, c'est plus confortable que de s'interroger sur l'utilité sociale de ce qui est produit et sur ce qu'on apporte ainsi à un système profondément injuste et responsable, qui a fabriqué les tonnes d'obus déversées en 1914 à Verdun. Qui fait travailler des enfants 12 heures par jour? Pourquoi dans certains pays les filles ne peuvent accéder à l'école? Qui fabrique des poisons, des armes? Il faut bien gagner sa vie. Pour que d'autres la perdent? Il est vrai que ce n'est pas le même degré de responsabilité entre celui qui, acculé à la misère, doit accepter un travail dégradant et celui qui organise l'exploitation pour accumuler encore plus d'argent. Le premier a peu de marge pour refuser, alors que le dernier promeut activement le système. Entre les deux extrêmes, nous sommes nombreux, et de fait, complices par notre silence, ce qui permet aux puissants de continuer à écraser les faibles et à étaler ostensiblement leur richesse. Le luxe se porte bien. Très bien, en effet. On parle de crise, mais jamais il ne s'est vendu autant de voitures de luxe, de parfums, de bijoux. Il apparaît logique que ceux qui en bénéficient ne veulent rien changer aux règles et adhèrent avec enthousiasme à une organisation de la société aussi généreuse à leur égard. Ils sont même très bien organisés en lobby efficace pour qu'aucune politique ne vienne contrecarrer leur expansion. On en parle peu. Ah, ils savent être discrets, mais efficaces. Placés au cœur du système, ils le protègent des tentatives de régulation des États. Si quelques politiques courageux tentent de réglementer cette folie financière, ou les multinationales qui en profitent, ils disposent de moyens considérables et de connivence jusque dans la haute administration. La plupart des hommes politiques, des hauts fonctionnaires et des décideurs économiques sortent des mêmes écoles, fréquentent les mêmes cercles. On comprend leur solidarité pour maintenir leurs privilèges et diriger l'opinion. Pourtant, beaucoup de journaux différents. Regarde bien qui sont les propriétaires. Et tu verras que même la loi sur le monopole de presse est contournée. La plupart des médias appartiennent à ces mêmes financiers. Ceux qui sont réellement autonomes ont peu de moyens. Ils assènent leurs convictions sans relâche dans les journaux, à la télé, à la radio. Par exemple, même une chaîne publique comme France Info diffuse le cours de la bourse toutes les heures. Ce matraquage pénètre les consciences et nous fait considérer les circuits d'argent comme un jeu, comme on joue aux courses, au loto, alors que les conditions de vie au travail de milliers de salariés en dépendent.